Il le prend par le bras, arrache le velours des rideaux et lui montre en bas les larges cours où fourmille, où se lève la foule épouvantable avec des bruits de houle, hurlant comme une chienne, hurlant comme une mère, avec ses bâtons forts et ses piques de fer, ses tambours, ses grands cris de halles et de bouges, ta sombre de haillons saignant de bonnet rouge. L'homme, par la fenêtre ouverte, montre tout au roi pâle et suant, qui chancelle debout, malade à regarder cela. C'est la crapule, sire. Ça bave au mur, ça monte, ça pullule. Puisqu'il ne mange pas, sire, ce sont des gueux. Je suis un forgeron. Ma femme est avec eux. Folle. Elle croit trouver du pain aux Tuileries. On ne veut pas de nous dans les boulangeries. J'ai trois petits. Je suis crapule. Je connais des vieilles qui s'en vont, pleurant sous leur bonnet, parce qu'on leur a pris leur garçon ou leur fille. C'est la crapule. Un homme était à la Bastille, un autre était forçat, et tous deux, citoyens honnêtes, libérés, ils sont comme des chiens, on les insulte. Alors, ils ont là quelque chose qui leur fait mal. Allez, c'est terrible, et c'est cause que se sentant brisés, que se sentant damnés, ils sont là, maintenant, hurlant sous votre nez. Crapule. Là-dedans sont des filles, infâmes, parce que vous saviez que c'est faible, les femmes. Mais seigneurs de la cour, que ça veut toujours bien, vous leur avez craché sur l'âme, comme rien. Vos belles, aujourd'hui, sont là. C'est la crapule.